cette chanson qui vient nous parler d'un ami. Pauvre Diogène, pauvre Diogène, t'as pas fini de te promener, le cœur en berne et ta lanterne. 2000 ans qu'elle est allumée, qu'elle est allumée. Chantons cette chanson qui vient nous parler de la vie. Chantons cette chanson qui vient nous parler d'un ami. Pauvre Diogène, pauvre Diogène, t'as pas fini de tendre le dos, les tiens ignorent qu'on peut encore être libre dans un tonneau, dans un tonneau. Pauvre Diogène, pauvre Diogène, tu cherches un homme, tu ne trouves pas, oublie ta peine et ta lanterne. Viens-t'en chez nous et tu trouveras. Chantons cette chanson qui nous a parlé de la vie. Chantons cette chanson qui nous a parlé d'un ami.